Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1. Nous allons finir Futur Simple en changeant complètement de domaine. Donc, de la climatologie, nous passons sans transition à la digestion. La présence de bactéries dans nos intestins est bien connue. Toutefois, des études récentes leur attribuent des rôles plutôt prometteurs sur le poids corporel et la santé. Pour sa chronique, Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition, nous propose un voyage dans l'intestin par une mise à jour de l'ensemble de ses études. Bonjour Karine. Bonjour Mélanie. Donc, on parle de microbiome intestinal pour nommer l'environnement qui renferme les micro-organismes de notre intestin, donc les bactéries. Et depuis une dizaine d'années, l'intérêt en recherche pour le microbiome intestinal a augmenté de façon considérable. Les chercheurs se sont aperçus que les bactéries dans nos intestins étaient loin d'être des locataires comme ça, sans histoire, bien au contraire. Donc, ils ont découvert que les bactéries peuvent avoir des effets sur le poids corporel et aussi sur certaines maladies. Est-ce qu'on parle de la flore intestinale pour désigner l'ensemble de ces bactéries? Oui, bien en fait, on parlait de la flore intestinale auparavant, mais on appelle maintenant microbiote l'ensemble des bactéries dans notre tube digestif. Et ces bactéries-là, bien le microbiote, en fait, il n'est pas réparti de façon uniforme dans notre tube digestif. Sa présence est beaucoup plus grande à la fin du tube, donc dans le côlon et le rectum. Et comment on a découvert que le microbiote pouvait avoir un effet sur le poids corporel? Mais le premier article scientifique sur le sujet a été publié en 2004 par une équipe de chercheurs de Washington. Donc, l'étude s'est déroulée auprès de deux groupes de souris. Donc, on avait un premier groupe où les souris étaient nourries de façon conventionnelle. Et dans un deuxième groupe, on avait des souris stériles, sans microbiote, qui vivaient dans un environnement stérile et qui étaient nourries avec du lait stérilisé. Donc, les chercheurs se sont aperçus que les souris nourries de façon conventionnelle consommaient moins d'aliments que les souris sans microbiote et pourtant, elles avaient 60% plus de masse grasse, même en mangeant moins. Donc, les résultats ont montré que le microbiote participait à la prise de poids dans cette étude-là. Et par la suite, d'autres études ont montré que le microbiote des souris, nourries de façon conventionnelle, digérait une partie des fibres alimentaires non digérées par la souris au préalable. Donc, c'est ce qui fait qu'il y avait de l'énergie supplémentaire qui était produite par le microbiote. Un autre résultat intéressant, c'est que le microbiote des souris conventionnelles transférer le microbiote des souris conventionnelles à des souris stériles a conduit à une augmentation de la masse grasse des souris stériles après 2 semaines. Et par la suite, bien sûr, là, il y a d'autres études qui se sont aussi déroulées chez l'humain. Et est-ce qu'il existe plusieurs sortes de bactéries dans le microbiote intestinal? Oui, le microbiote d'une même personne est très diversifié et peut renfermer 1 millier de bactéries d'espèces différentes. Le microbiote est tellement différent d'une personne à l'autre qu'on peut dire que chaque être humain est unique, donc microbiotement parlant. Et par contre, c'est sûr que si on considère de façon globale les grands groupes de bactéries et pas seulement les espèces, donc on observe là, quand même des similitudes là, dans les microbiotes humains. Et c'est quoi les fonctions reconnues du microbiote? Bien, le microbiote a 4 fonctions principales. La première, c'est qu'il va digérer les résidus d'aliments qui sont non digérés, soit par la souris ou l'humain, et qui sont en transit là, dans le côlon. La conséquence de cette digestion-là, c'est la production de gaz, mais aussi la production de petites molécules, des métabolites, qui vont être assimilées par la muqueuse du côlon pour se retrouver dans notre circulation. La deuxième fonction, c'est que les bonnes bactéries de notre côlon vont résister à la colonisation des bactéries pathogènes et aussi d'autres bactéries alimentaires là, qui ne seraient pas les bienvenues. Donc, par exemple, quand on doit prendre des antibiotiques, on se retrouve à perturber l'équilibre dans notre microbiote, puis à favoriser l'implantation des bactéries pathogènes. Donc, c'est pour ça que des fois, on a des petits ennuis après la prise d'antibiotiques. Et la troisième fonction, c'est un rôle dans la stimulation du système immunitaire. Encore là, quand on est en présence de certaines maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, l'équilibre du microbiote est à nouveau perturbé. Et finalement, ben, le microbiote semble jouer un rôle dans la prise de poids et l'obésité, là, comme je vous parle aujourd'hui. Et comment le microbiote ferait prendre du poids? Est-ce que les mécanismes sont connus? Mais en fait, c'est l'équilibre des bactéries qui composent le microbiote qui aura un effet sur la prise de poids. Donc, selon qu'on ait un poids normal ou qu'on soit obèse, le rapport entre deux grands groupes de bactéries de notre microbiote est différent. Donc, concrètement, chez les personnes de poids normal, le rapport firmicutes-bactéroïdes est de 10 pour 1, alors que chez les personnes obèses, ce même rapport est de 100 pour 1. C'est comme si les personnes obèses logeaient dans leur côlon un grand nombre de bactéries trop performantes qui retirent un maximum d'énergie des résidus alimentaires au lieu de les éliminer dans les selles. Et est-ce qu'on pourrait volontairement modifier notre microbiote et indirectement modifier notre poids corporel ou notre état de santé? Bien, oui, avec les 3 P. Donc, on connaissait déjà les 4 P à éviter dans la diète Montignac, le pain, les pâtes, les patates et les pâtisseries. Mais pour le microbiote, on a 3 P. Ici, ce sont les prébiotiques, les probiotiques et les polyphénols. Donc, les prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries. Donc, ce sont généralement des glucides que l'humain n'a pas digéré, mais que les bactéries vont digérer à sa place. Donc, la disponibilité de certains prébiotiques dans notre intestin pourra amener un changement dans les bactéries qui composent notre microbiote. Et les prébiotiques, on en retrouve dans l'inuline, qui est une fibre alimentaire, où on en retrouve aussi naturellement dans quelques aliments, dont l'ail et les oignons. Le deuxième P, c'est pour probiotiques. Donc, ce sont des bactéries vivantes et lorsqu'on absorbe une quantité suffisante de probiotiques, ben en fait, ils vont apporter des bénéfices là, sur notre santé. Certaines souches de probiotiques sont mieux connues, comme les Bifidobacterium et les Lactobacillus. Ces probiotiques-là peuvent jouer plusieurs rôles dans notre intestin, dont celui d'empêcher l'implantation de bactéries pathogènes pour nous garder en bonne santé. Et les probiotiques peuvent être ajoutés aux aliments comme le yogourt ou le fromage. Et le troisième P, c'est pour polyphénols. Donc, les polyphénols, ce sont des antioxydants présents dans les fruits et les légumes qui protègent contre les maladies chroniques liées à l'alimentation. Et le microbiote, en fait, son rôle, c'est de transformer les polyphénols pour qu'on puisse les absorber via notre intestin. Il y a aussi la bactériothérapie fécale, qui est un genre de transplantation fécale. Donc, il a été observé chez les souris qu'un changement de microbiote par ce type de bactériothérapie pouvait aussi modifier le poids corporel. Et est-ce que ces résultats sont prometteurs? Bien, oui, parce que jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés aux calories pour juger de l'énergie fournie par un aliment. Toutefois, à partir des nouvelles études, et c'est certain que ça va en prendre encore plusieurs, il se pourrait, et là je parle bien au conditionnel, il faut pas trop s'emballer, donc qu'on doive aussi tenir compte de notre microbiote pour savoir comment les aliments seront digérés. Mais pour en arriver là, il faudra connaître précisément chaque type de bactérie et sa capacité à digérer la nourriture dans l'intestin pour pouvoir prédire comment une personne réagira avec une diète donnée. Donc, ça implique, par exemple, qu'en tant que nutritionniste, on pourrait peut-être faire des recommandations alimentaires à une personne selon son microbiote. Donc, à plus long terme, ça peut aussi vouloir dire qu'on serait capable d'ajouter certaines bactéries dans l'intestin de patients dont le métabolisme ne fonctionne pas correctement. C'est vraiment fascinant. Oui, et c'est prometteur parce que présentement, il y a des centaines d'études en cours dans le monde qui portent sur le microbiote en lien avec le poids corporel et aussi plusieurs maladies. Donc, ce sera intéressant de connaître les trouvailles des chercheurs dans les années à venir, mais c'est certain qu'il y a un travail colossal à faire dans ce domaine-là pour arriver à mieux comprendre tous les mécanismes impliqués et possiblement en venir à améliorer sa santé grâce à son microbiote. Eh bien, merci Karine. Et merci. Pour en savoir davantage sur la nutrition, les comportements alimentaires ou pour écouter tes chroniques précédentes, on peut visiter ton site web à karinegravel.com. Merci.